rouge couleur pastèque. Whisky les decks, ça se fête. On est ceux des légendes aztèques. On fait le truc step by step. Allez hop, je les fais. Step by step by step. Allez hop, je les fais. By step by step. Y'a du verre dans le jean. Y'a du jean dans le verre. Gestuelle dans le parking. By step by step. Allez hop, je les fais. Step by step by step. Y'a un teutré parmi nous, tu fais semblant de chercher en baillant, mais t'as pas le talent de feinte. J'avais des rêves, c'est la vie qui rend simple. Je dormais par terre avec ma femme enceinte. J'sors d'une scène de ménage, la baraque dans le désordre. Trop vu la lumière, t'as misé, même pendant ma chambre, c'était pas dans mes cordes. J'grattais les ailes, ils écorchaient mon nom, j'ai ressenti du mépris pour le continent. Mais sur nous, tata qui nous pince encore les joues, qu'invoque Dieu pour nous faire des compliments. Si t'avoues tout, même le baveur est bleu. Un an rien se bourrer, qui dépasse les bornes. On va siffler des gueuches, il va se battre avec eux. J'ai l'iris couleur pastèque. Whisky les decks, ça se fête. On est ceux des légendes aztèques. On fait le truc step by step. Allez hop, je les fais. Step by step by step. Allez hop, je les fais. By step by step. Y'a du verre dans le jean. Y'a du jean dans le verre. Gestuelle dans le parking. By step by step. Allez hop, je l'ai fait. Step by step by step. Allez hop, je l'ai fait. By step by step. C'est pas des blagues, je suis vraiment du père. Je vais charger bourré, je mange même des rappels par mon 6 gros. Non, samedi soir j'étais pas en débois. Je racontais des sommes à 5 chiffres sur un Wico. Pour eux, on a fait des demi-tours. Ça parlait même pas de prendre un petit sou. Bourré, j'ai envie de tuer des inconnus. Mort après, je lui fais un bisou. Tu veux des instrus, demande au ref. 10 kills de Sam cap mon DM. J'marche avec millionnaire en claquette zinc. Faut pas juger le genre à la dégaine. On paiera seul même les péchés commis à 10. Néglige pas le check au petit de la favelle qui lâche le cerf-volant quand la police arrive. J'ai l'iris couleur pastèque. Whisky les decks, ça se fête. On est ceux des légendes aztèques. On fait le truc step by step. Allez hop, je les fais. Step by step by step. Allez hop, je les fais. By step by step. Y'a du verre dans le jean. Y'a du jean dans le verre.